L'actualité à Nancy et ailleurs. La 29e édition du Festival Densité se tiendra du 20 au 22 octobre prochain à Fresnes-en-Wavre. Emmanuelle Pellegrini, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique du festival. Un festival où se rencontrent plein de styles et de genres, de couleurs. C'est une fusion de tout ça. Avant de parler un peu de ce qu'on va vivre sur place, comment on se sent à quelques jours du festival maintenant quand on est une directrice artistique ? C'est aussi quand on est une directrice tout court. Donc ça veut dire que on se sent un peu fébrile quand même, hein, parce qu'il y a énormément de choses à penser. C'est le moment où vraiment on peaufine les fiches techniques, je regarde mes collègues autour de moi, les horaires de balance, qui on va chercher au TGV, organiser ce qu'on appelle nous dans notre jargon les runs, c'est-à-dire les transports des artistes et du public, parce que comme vous savez on est en milieu rural, donc on aide aussi, c'est aussi une manière de réduire son empreinte écologique, on demande aux gens par exemple d'arriver au TGV, puis on va les chercher, toutes ces organisations-là, et puis comme on est en milieu rural, il faut aussi penser pratiquement tout pour le spectateur. C'est-à-dire quand le spectateur arrive, il faut que tout soit là. Il est à boire, à manger, et évidemment, des nourritures spirituelles. Voilà, écoutez, c'est quand même un peu l'objet. Effectivement, et vous l'avez dit, c'est en milieu rural. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le Festival Densité, hein, donc c'est à Fresnes-en-Wavre, expliquez-nous un peu la marque de fabrique de ce festival. On en est déjà à la 29e édition, mais peut-être que certains ne connaissent pas encore. C'est un festival de musique de création, comme on dit. C'est un bien grand mot pour dire que c'est un festival qui réunit pas mal de tendances de la musique, donc le jazz, la musique improvisée, le rock, la musique contemporaine, de la danse sous des formes très variées, la poésie. Cette année, on a de la poésie médiévale avec du blues. Enfin voilà, c'est essayer de montrer toute la vitalité de la scène. Et la particularité de Densité, c'est que c'est un festival quand même très international. Par exemple, l'année dernière, il y avait un focus sur des personnalités de la scène du Japon. Et cette année, il y a un focus sur des personnalités, des artistes d'Australie, par exemple. Et il y a aussi voilà, des musiciens d'Autriche. On a une collaboration avec le ministère de la Culture autrichien pour faire venir deux groupes assez important, de grands orchestres. L'idée, c'est de montrer une photographie peut-être de tout ce qui se passe un peu sur la planète. Alors, il n'y a que 20 spectacles, enfin c'est déjà pas mal, mais on ne peut pas tout montrer comme ça. Mais mon idée, c'est quand même d'arrêter le temps aussi, parce que je pense que quand on vient tenter l'aventure ici, en tant que spectateur aussi, c'est arrêter le temps, être là tous ensemble et puis se dire, tiens, voyons des belles choses. C'était quand même très osé de créer un festival culturel à Fresnes-en-Wavre dans un milieu rural. Pourtant, on en est à la 29e édition, donc vous avez trouvé votre public. Alors au début, on était en ville hein, quand même, oui, on était oui. À Verdun, dans la Meuse. Après, pour des raisons politiques, on en est parti. C'est depuis 2001 que nous sommes à Fresnes, où c'est en fait pas seulement un festival, hein, Vue d'un œuf, on s'appelle Vue d'un œuf en fait. C'est l'association la derrière. Oui. Il y a une association derrière qui a un lieu conventionné hein, par le ministère, la région, le département et l'intercommunalité. Et donc, c'est un lieu vraiment à part entière, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lieu, mais on organise des choses toute l'année, quoi. On organise des résidences. Par exemple, là, on a une résidence d'une compagnie de danse du Maroc sur 2 ans et demi, 3 ans, donc qui est aussi une résidence sur le territoire. On fait des ateliers dans les écoles, on travaille avec la petite enfance, on fait énormément de choses toute l'année. Et Densité, c'est un peu le navire amiral, comme on dit dans la marine. Et donc, c'est le moment aussi de la fête pour les bénévoles de Vue d'un œuf, pour tout le monde, quoi. C'est aussi un temps fort. S'affirmer en milieu rural, je dirais que c'est pas plus difficile, je pense, qu'en milieu urbain. Oui. Ça, c'est mon ressenti. Après, ce qui est la réalité, c'est l'accès, peut-être, pour les gens. On peut trouver que c'est loin, mais c'est pas si loin. Par exemple, de Nancy, on est tout près de Metz. Et vous proposez des possibilités de location sur place, de rester sur place le week-end ? Oui, tout à fait. On aide aussi les spectateurs qui veulent à se loger, voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est un petit packaging, quoi. Voilà, c'est la petite aventure. Et c'est un public d'habitués que vous avez depuis plusieurs années. Vous avez aussi des curieux qui viennent découvrir oui. Et qui viennent s'étonner. Exactement. Il y a des gens d'ici, heureusement d'ailleurs. Bien sûr. C'est un mix, ça, à peu près, avec des habitués et puis surtout des passionnés. des gens qu'on va retrouver ailleurs en Europe aussi, voilà, des gens qui aiment cette musique, et puis des curieux, bien sûr, heureusement. C'est donc la 29e édition, on l'a dit, c'est du 20 au 22 octobre, et une vingtaine de spectacles dans tous les styles, c'est vraiment une fusion de plein de choses. Il y aura même de la relaxation sonore le dimanche matin, vous pouvez nous en dire deux, trois mots? Alors ça, c'est une première, on a invité quelqu'un qui a vécu longtemps à Nancy, qui s'appelle Yvan Gruzel. On a pas mal de Nancéens cette année, hein. Et on a aussi, je fais une petite parenthèse, Hervé Birolini, qui est compositeur et qui travaille à Nancy. On a aussi Mathieu Chamagne, qui est également un Nancéen. Et Yvan Gruzel, donc on nous propose en fait, je me suis dit, j'ai mis ça dimanche matin, c'est un temps de pratique. Ça reflète aussi ce qu'on fait toute l'année, c'est-à-dire qu'on peut venir en famille pour pratiquer... Voilà, un moment de musique pour se relaxer, parce que c'est ce qu'il fait depuis quelques années plutôt que d'être sur scène. Et c'est suivi en fait par une chose assez étonnante, également par quelqu'un qui est originaire de la région, qui s'appelle Philippe Petit-Collin, qui est saxophoniste, et qui était président du collectif Émile 13 dans les années 90-2000. Et puis avec une danseuse qui a la particularité de danser dans les arbres. Et donc, elle va danser. C'est de la danse aérienne, en fait. Elle va danser dans les arbres. Donc, c'est une matinée un peu rêveuse, comme ça, où on pourra, en même temps, aller voir l'exposition donc, de l'Australien Robbie Avenheim, qui est une installation sonore assez ludique, un petit peu magique, comme ça, avec des percussions, qui s'adresse aussi un peu à tous. Voilà. Énormément de formes d'expression, de la poésie à la danse, au cinéma, des expositions, vous l'avez dit. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des auditeurs comment venir découvrir le festival? Alors, bien sûr, on peut aller se rendre compte du programme, à une vingtaine de spectacles sur le site vuedunoeuf.com. Oui, tout à fait. Alors, il faut aller voir le programme, ils peuvent nous appeler. Par exemple, pour quelqu'un qui habite à Nancy, c'est vrai que le dimanche peut être sympa parce qu'il y a vraiment plein de choses très différentes. Et ça se termine aussi par un bal, parce qu'on a ce rituel d'un bal un peu foufou et très amusant. Voilà. Et puis pour les amateurs de rock, parce que c'est un groupe vraiment assez extraordinaire qui joue samedi soir, qui s'appelle Avalanche Kaito, avec un griot du Burkina Faso et deux Belges. Et ça, je vous invite vraiment à venir parce que c'est vraiment une musique très étonnante, un show magnifique. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses, bien sûr, mais comme ça, c'est un peu à la volée, je dirais, comme ça. Donc vuedunoeuf.com, ça c'est pour retrouver tout le programme et découvrir aussi votre association et tout ce que vous faites au cours de l'année. Et puis le plus simple, c'est de venir se faire surprendre un peu par les spectacles qui sont proposés lors de ce week-end. Tout à fait. N'hésitez pas, puis vous pouvez nous appeler si vous avez besoin d'infos pour venir. 03 29 87 38 26. Et vous pensez déjà à la 30e édition? Tout à fait, on y pense. D'ailleurs, on a déjà des petits tracts. Et comme c'est la 30e, on va faire un événement un peu particulier. Et elle aura lieu du 31 octobre au 3 novembre, donc à la fin des vacances de la Toussaint plutôt qu'au début, pour avoir plutôt 4 jours. On va imaginer, on commence déjà à imaginer ce que sera cette fête. Eh bien, les dates sont notées. Merci beaucoup, Emmanuel Pellegrini. Merci à vous. Au revoir. Et je vous rappelle que la 29e édition du Festival Densité, c'est du 20 au 22 octobre à Fresnes-en-Wavre. Retrouvez bien sûr tout le programme sur leur site vuedunoeuf.com. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.